Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Nous inclinons nos têtes, je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi, te disons encore une fois grand merci Mara ingine, tunasema asante sana. Pour cette énième opportunité que tu nous as donnée d'être vivants en ce jour. Yakuyabazima, Mwishiku. Il y en a qui étaient malades parmi nous. Ils sont debout aujourd'hui, ce n'est pas à force de boire des médicaments, mais parce que tu as décidé ainsi. Chacun de nous a un témoignage dans son cœur des circonstances par lesquelles il passe. Mais le Dieu qui renouvelle le souffle jusque ce soir est plus grand que chaque difficulté. Est plus grand que chaque maladie. Parce qu'il répond à chaque problème. Nous sommes vivants, ce n'est pas pour que nos projets se réalisent. Toi qui as renouvelé le souffle en nous, tu as un objectif à atteindre. Voilà pourquoi tu nous rassembles jusqu'à ce soir. Nous nous tenons devant toi comme des êtres faibles et incapables, mais ayant un Dieu tout-puissant et capable de faire de grandes choses. Alors nous nous livrons entièrement à toi pour te permettre de réaliser ton œuvre en nous et de réaliser ton programme à l'égard de chacun de nous. Nous allons lire la Bible comme des hommes qui avons été au banc des études. Mais ce livre est un livre sacré. Lakini kitabu ni kitabu takatifu. Parce qu'il est dit, sababu nasemo, toute écriture est inspirée de Dieu. Yenye kusukumwa na Mungu. Viens toi-même l'inspirateur de ces écritures. Uwe mwenyewe usukumwa imandiko. Donne l'interprétation correcte. Kuitafsiri mzuri. Ouvre-nous l'esprit. Utufungurie roho. Et toi-même viens parler à chaque cœur. Confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous le demandons, croyant que tu feras, même au-delà de ce que nous te demandons, parce que c'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Amen. Vous invitons à vous lever. Prenons Genèse 24. Genèse chapitre 24. Verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: bakamuita basi Rebecca na kumwambia, veux-tu aller avec cet homme? Eti unapenda kwenda na umutu? Elle répondit, akajibu, j'irai. Nitaenda. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana Mungu abariki sehemu ya andiko. Frère Romain, vous avez un bon marqueur ici. Aina. Una marqueur ya bien. Marqueur. Depuis hier, Ntangia Jana, nous parlons de ce sujet intitulé le temps des décisions. Ni wakati ya kubeba mipango. Le temps de décision. Ceci est important pour nous. I ni amafa kabisa kwetu. Parce que après ce temps, ça va bukisha wakati. La mort est à nos trousses. Ah, lufu lwetuinda shibote. Le retour de Christ est tellement proche. Kurudia kwa Kristo kuna karibia kabisa. Quand vous regardez seulement aux événements qui arrivent dans le Moyen-Orient. Mukiangaria tu mandamano inakuya kuliko asubuhi. Regardez qu'actuellement. Mungaria sasa. Même la guerre entre la Russie et l'Ukraine vita, semble ne plus être à la une. Katikati ya Russie na nani aibaisemeze tena sana. Mais tout lakini l'attention de l'humanité entière ulimwengu mzima bote est concentrée sur Israël. Benangaria yule Israël. L'Iran. Iran. La Palestine. Palestine. L'Irak. Na Irak. La Syrie. Syrie. Tout converge vers Jérusalem. Biote biunenda ni pako Yerusalema. C'est pourquoi vous voyez même Dieu komanata Mungu sachant que ce sera là l'élément déclencheur de la troisième guerre mondiale. Etsema pale njo patalamukia vita ya tatu ya ulimwengu mzima. Regardez Zacharie chapitre 12. Tazameni Zacharie 12. Zacharie c'est avant Malachi. Mbele ya Malakia. Zacharie chapitre 12. Zacharie 12. Zacharie chapitre 12. Zacharie 12. Verset 1. Musaki ya kwanza. Parole de l'Éternel sur Israël. Neno ya milele yule Israël. Ainsi parle l'Éternel. Hivyo milele asema. Qui a étendu les cieux et fondé la terre. Ule aliumba mbingu na dunia. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Na alitunga roho ya mtu ndani yake. Comme déclaration, c'est très forte. Hein? Mwenye bulongo, mwenye mbingu na bulongo. Ularipatia bantu bujima bule beko na abu. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Voici, Tazameni. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Nitafanya Yerusalema itakuwa kikombe kya mateso. Kya kulewesha batu. C'est-à-dire bantu bote. C'est à tout le monde. Dieu à Jérusalem, ça va les saisir, ils seront comme ivres. Pour tous les peuples d'alentour. Amen. Regardez le verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Akuno lataweza kusema ya personne qui peut dire mina beba Jerusalem que moi je prends Jérusalem unaisha hapa tu ne t'imposer ici et c'est fini nous allons imposer sur Jérusalem. Dieu a donné à Israël Jérusalem comme capitale. Mungu alipatia Yerusalema sawa muji mkubwa. Toutes les grandes nations feront tout ce qu'elles peuvent faire. Ima taifa mkubwa yote inaweza kufanya nini? Hakuna bale batimpose loi yabo sur Jérusalem. Lakini ya aucun pays qui peut imposer sa loi sur Jérusalem. Ce sera une pierre itakuwa ni kitu hakuna lataweza kuitawala. Personne ne peut dompter Jérusalem. Pourquoi? Dieu anime. Il faut que Dieu lui-même nafazali Mungu mwenyewe dise à qui il a donné Jérusalem. Apate kuambia amupatie Yerusalem mwenyewe nchi yake. Mungu ndio atasema Jerusalem nilisha kuiweka ni capitale ya Israel. J'ai déjà placé comme capitale. Mais une manœuvre yote kunafanyika. Tout ce qui se passe. Même l'ONU ne sera pas décidé sur Jérusalem. Hata muungano wa mainchi yote ulimwengu hatawezi kubeba mpango juu ya Yerusalemu. Bwana mbariki frère. Personne ne prendra la décision et qui sera correcte. Na kuna mtu akubeba mpango ile Yerusalemu na itamskana. Maintenant, Tout ça pourquoi tout partira de Jérusalem pour qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Et regardez les armées aujourd'hui. Tout s'organise et vise seulement cela. Mais avant que cela ne commence, du côté des nations que nous sommes, l'enlèvement doit avoir déjà eu lieu. Or, les préparatifs pour l'occupation de Jérusalem, c'est ce qui se fait maintenant. Vous voyez, même la Russie semble faire semblant, mais elle dit toujours un mot. Non, non, que les Juifs ne fassent pas ça. Ils parlent aux États-Unis, ils disent non, non, vous appuyez trop les Juifs. Pourquoi? Pour les États-Unis, Jérusalem doit revenir Jérusalem à Israël. Amen. Et toutes les nations arabes ne sont pas contentes. Pourquoi? Jérusalem est revendiquée par le christianisme, par le judaïsme, par l'islam. Nous avons aussi droit d'y entrer. Nous avons droit d'aller visiter Golgotha. Bon embarique. Et tout ça montre que le retour de Christ est très proche. Dieu doit d'abord terminer l'histoire du salut avec nous et nous reprendre au ciel pour que maintenant les événements commencent là-bas. Amen. Maintenant, quand nous nous voyons ça, c'est un signal fort. Même si la mort ne me trouve pas, mais ça prouve que je ne dois pas vivre à la légère. Je dois prendre de très grandes décisions pour ne pas manquer l'événement qui vient devant nous. Bon embarique. Ne dormez pas. Ne soyez pas distrait. Chargez vos androphones, vos androïdes de méga. Renseignez-vous sur ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe à l'est est moindre. C'est moindre. Nous, l'épouse, on est seulement intéressé par ce qui arrive avec Israël. Et ça, c'est ça l'horloge de Dieu. Voilà l'horloge de Dieu. Bon embarique. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disions hier que regardez tous les types, toute la typologie de l'Ancien Testament. En particulier la vie d'Abraham. Isaac. Rebecca. Eliezer. Elisha, Eliezer. Tous ces personnages. C'est l'image de quelque chose qui se passe en ce moment. Particulièrement pour nous, les gens de l'âge de la Odyssée. Amen. Je vous montre un petit, je vous fais un petit là, vous allez voir. Mes deux frères ont effacé. Pourquoi? Je vous ai lu hier qu'Abraham, c'était au temps du soir de sa vie, Abraham s'est ressaisi. Il s'est dit non, mes jours touche à sa fin. Or, Dieu m'a donné quand même des enfants. Au milieu de mes enfants, il y a un enfant qui est particulier. Lui porte des promesses. Lui n'est pas né comme tout le monde. Il est né sur base de la parole. C'est Isaac. Lui, sa vie doit être une vie particulière. Je ne peux pas le laisser vivre comme tout le monde. Je dois, pendant que je suis en vie, prendre des décisions, même sur sa façon de se marier. C'est pourquoi, prenant rien que ça et les transporter sur la nouvelle alliance pendant les âges de l'église, Dieu, voyant qu'il aura un peuple aussi sur la terre en ces temps de la fin, Dieu, Mungu, sachant qu'il aura une épouse au temps de la fin, qui ne peut pas vivre de n'importe quelle façon, Dieu a envoyé un message, une lumière pour nous éclairer sur tous les points, sur la divinité, sur le mariage et divorce, sur beaucoup d'éléments sur lesquels il est. Beaucoup de gens sont restés dans les ténèbres. Dieu ne s'occupe pas de la dénomination. Dieu s'occupe de la véritable église typifiée par Rebecca. Ainsi donc, quand nous prenons seulement le cas présent, vous allez voir qu'Abraham, Ibrahim, il y a Isaac. Kuna kufuata Isaka. Il y a Rebecca. Kufuata Rebecca. Il y a Eliezer. Na Eliezer. Ces choses, frères, ibintu anduku, ont été écrites. Ce n'est pas tout pour le bon plaisir. Aina non. Dieu avait toujours mara, un message à transmettre na à son peuple élu. Ya kuleta, kutaifa yake ya Isaka est le type de Jésus-Christ. Rebecca est le type de l'épouse. Picha ya bibi arusi. Amen. Eliezer, le messager Mujumbe de l'âge, wa kizazi, ou bien le Saint-Esprit. Voilà, Rome takatifu. Amen. Amen. Et Abraham, na Ibrahimu, Dieu le Père, Mungu Baba, qui s'arrange, qui prend des dispositions mipango, pour son fils. Juu, ya mtoto yake, fils de la promesse. Mwana wa malako. Amen. Le fils pour lequel il a attendu longtemps aliongoja wakati mrefu pour l'avoir. Ili apate kumupata. Et pourtant, Japo, à côté d'Isaac, pembeni ya Isaka, il y a Ismaël. Kuko Ismaeli. Et les enfants de Ketura, watoto wa Ketura. Qu'est-ce que cela veut dire? Mana yake nini? La dénomination. Mazebu. Où est-ce que nous avons tiré tout Dieu pour nous? Dieu a parlé. Mungu a chassé ma. Pour chasser de nos cœurs et de nos vies toute confusion. De sorte que quand nous regardons à la Bible, nous nous voyons très bien là-bas. Nous nous retrouvons. Et nous sachons la tunajua, que ça c'est nous, ni ça c'est la dénomination, zebu, ça c'est le messager, ni Mujumbe, ça c'est le Saint-Esprit. Voilà comment nous allons marcher. Quand vous regardez même Abraham ici, Ibrahim, apa, il typifie non seulement Dieu, aussi sa vie. Hata maisha yake, représente les âges de l'église. Inaonesha vizazi ya kanisa. Quand on parle de l'âge avancé d'Abraham, qu'il est arrivé à la fin de sa vie, c'est l'âge des églises. Et le soir, c'est l'âge de l'Odyssée. C'est à ce moment-là qu'Abraham, à la fin de sa vie, s'est décida de ce que sera la suite pour Isaac. C'est ce qu'on en a parlé superficiellement hier. Amen. Et vous allez remarquer, étant tellement intéressé à la vie d'Isaac, Abraham s'est arrangé pour donner des dons à Ismaël et ses autres enfants. Il en a eu sept de Ketura. Il leur a donné des dons et les a éloignés d'Isaac. Et observez bien l'écriture. Quand l'écriture parle, il dit, Abraham donna tout son bien à Isaac. Quelle quel est ce bien là qu'Isaac a eu? Il est Isaac, c'est Alibata, le Saint-Esprit. Et les dons, Mazawagi, les dons aux autres là. Mais le véritable héritage, ce qui rend quelqu'un héritier, c'est le Saint-Esprit. Et ça, il l'a réservé pour Isaac. Amen. Donc, quand vous regardez la vie d'Isaac, vous devez, en tant qu'élu, vous retrouver. C'est pourquoi la Bible est un miroir. Quand vous regardez dans la Bible et que vous ne vous revoyez pas, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Nous, les élus, même dans la peine, frère, Duke, il y a toujours un phénomène surnaturel qui arrive. Les élus comprennent ce que je dis. Observez même avant que vous ne veniez à la foi. Il y a toujours un événement surnaturel qui vous conduisait jusqu'au message du temps de la fin. Comment expliquer ça? Vous ne saurez pas. Amen. Les élus comprennent ce que je dis. C'est quoi ça? L'ange de l'Éternel, c'est lui qui était là. C'est lui qui vous conduisait, qui vous parlait. Même pour vous amener à vous décider d'adhérer à cette assemblée, il y a eu un élément surnaturel. Les gens. Il y a d'autres disent que non, essaye un peu d'éclaircir. Il n'y a pas moyen d'éclaircir. Chaque élu porte cela dans son cœur comme témoignage. Il est membre, ça va au chouda, si moi je te donne mon témoignage, tu vas chercher à ce que le tien soit comme le mien. Non. Dieu est un Dieu de variété. Tel qu'il a appelé la sœur, le frère, chacun a un particulier. Pourquoi nous ressemblons à Isaac? Tel qu'il est arrivé, Isaac est venu au monde. C'est ainsi que Dieu nous a appelés aussi de manière particulière. Avec quoi? Quelques paroles, il chuchote dans ton cœur. Amen. Si tel n'est pas le cas pour toi, je ne sais pas. Mais les élus, il y a toujours un élément surnaturel. Et même maintenant, quand je m'arrête, je regarde un peu en arrière, je vois comment les choses ont commencé, comment je suis venu jusqu'à dire oui, et comment j'ai marché. Même parfois là où j'ai trébuché, je voyais un élément surnaturel qui me ramenait. C'est quoi ça? La main immuable du Tout-Puissant. Si cela n'est pas ton cas, il est grand temps, nous sommes encore au temps de la grâce. Amen. Tu peux t'étonner en disant que comment suis-je venu vivre chez mon oncle, chez ma tante, Baba Fulani, chez mon oncle paternel. Tout cela il est était organisé par Dieu. Amen. Amen. Était organisé par Dieu. Pourquoi? Dieu vous voulait à lui. Et il s'est arrangé pour conduire vos pas quelque part. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel conduit les pas des justes. Ah. Il conduit les pas des justes. Anaongoza matua ya wenye haki. Chacun de nous tel que nous sommes là. Nourisha filme kumkongo. Retourne un peu. La manière dont tu avais cru. Sonde cela. Chimba biote. Tu verras un élément surnaturel. C'est comme ça que Dieu agit. Pourquoi? Nous sommes Isaac. Il y a toujours un élément surnaturel pour que nous on vienne à la foi. Pour que nous on vienne à la nouvelle naissance. Il y a toujours un élément surnaturel. Ce n'est pas un homme qui nous pousse. Ce n'est pas un pasteur. Il n'y a pas un motif charnel. Non. Une conviction s'est levée en nous. Même quand on ne savait pas comment expliquer, mais une chose vraie, nous disions, c'est ça la vérité. Démontre, tu ne sais pas démontrer. Mais une conviction, que c'est ça la vérité, et je m'en tiens à ça. J'abandonne toute autre chose. C'est pourquoi chez les élus, il y a toujours une action immédiate. Quand il est en face de la vérité, une décision s'élève. Et toi aussi, tu acceptes les gens des branamistes? Oui, moi, je trouve que c'est la vérité. Arrête, ce n'est pas ça la vérité. On t'a dérangé ça. Mais là, dans les fins fonds de toi, la voix te dit, c'est ça la vérité. Et tu t'accroches. C'est comme ça. Quand on ira d'un personnage à un autre, vous allez voir qu'il y a toujours un élément surnaturel. Dieu fait ça pourquoi? C'est pour susciter la décision en nous de tenir à la vérité, de croire la vérité, de marcher dans la vérité. Ainsi donc, Abraham, au soir de sa vie, quand je parle du soir de la vie d'Abraham, regardez la fin des âges de l'église. Qui est en présence, qui sont sur la scène vers la fin des âges de l'église, Dieu lui-même, il y a ses enfants de la promesse, il y a une épouse qui doit apparaître à la fin des âges. Amen. Il n'y a pas qu'une épouse. Dieu doit envoyer un messager. Et regardez les termes qu'on utilise. Genèse 24. Maintenant nous sommes dans notre sujet. Sasa tunaangia mshina yetu mahubiri. Genèse 24. Mwanzo sura makumi mbili na ine. Verset 1, 2. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison. Ibrahim akasema na mtumishi wake wa zamani sana wa nyumba yake. L'intendant de tous ses biens. Mchunga akiba wa mali yake yote. Qui gère le royaume? Ni nani anaongoza ufalme? C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Qui donne le ministère? Ni nani anaita mahuduma? Ni Roho Mtakatifu. Qui donne le don? C'est le Saint-Esprit. Ni nani analeta mazawadi? Ni Roho Mtakatifu. Qui appelle? Ni nani kunaita? C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Qui convainc? Ni nani anakikisha? Ni Roho Mtakatifu. Qui fait naître de nouveau? Ni nani anazalisha mara ya pili? Ni Roho Mtakatifu. Qui fait marcher dans la sanctification? Ni nani anatembeza mtu katika utakatifu? Ni Roho Mtakatifu. Qui guérit les gens? Ni nani anaponya watu? Le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Toute l'œuvre de Dieu. Kazi yote ya Mungu. Qui l'accomplit? Ni nani kunaita? Le Saint-Esprit. Du début jusqu'à la fin, c'est le Saint-Esprit. Qui est l'intendant de tous les biens de Jéhovah? Le Saint-Esprit. Qui est le plus ancien? Qui a commencé l'œuvre dans l'Ancien Testament jusqu'à la fin? C'est le Saint-Esprit. L'intendant de tous ses biens. Le gérant. Celui qui distribue. Gawanya, celui qui agit. Celui qui guérit. Ponya, celui qui fait tout. Yote, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu le Père. Na Mungu Baba, a choisi le Saint-Esprit. Amen. Il dit lui. Akasema, yeye, celui que j'enverrai. Mitatuma, lui. Yeye, celui l'ange. Yeye, que j'enverrai à la fin. Mitatuma kumwisho. Amen. Et lui dit maintenant. Sasa. Mais je te prie ta main sous ma cuisse. C'est-à-dire, je t'engage à ma place. On ne verra plus Jéhovah. Mais lakini, dans l'église, mkanisa, pendant les âges, mvizazi, on verra que le Saint-Esprit. C'est quelle dispensation? Gani, la dispensation du Saint-Esprit. Amen. On ne verra pas le Fils. On ne verra pas le Jéhovah. Mais on verra seulement le Saint-Esprit. Amen. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens. Mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Les serviteurs lui répondirent, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répond, lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même, pas quelqu'un d'autre, enverra son ange devant toi. Donc c'est une affaire très sérieuse. Dieu doit s'engager lui-même à la fin du temps. Je vous enverrai Élie le prophète. Nabie Elia, je rétablirai tout ce que les Gazans et Azil ont dépouillé. Je ferai ceci. Je ferai ceci. L'Éternel lui-même, vers la fin, c'est lui-même qui s'engage par son messager. Amen. Amen. C'est comme ça que les choses se passent. C'est pourquoi, frère, nous vivons un âge spécial. De tous les âges de l'Église, même la colonne de feu est obligée d'apparaître. Pour dire que dans cette affaire, ce n'est pas l'homme, frère Branham, mais la colonne de feu est à l'œuvre. Amen. Amen. L'ange lui-même qui a conduit Israël dans le premier exode, c'est cet ange-là à la fin qui s'engage dans cette affaire. Pourquoi on a besoin d'avoir Rebecca? Et qui est Rebecca? C'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Donc devant Dieu, nous valons beaucoup pour que nous nous apparaissions aujourd'hui. Frère, l'ange lui-même, la colonne de feu, était obligé de descendre. L'ange lui-même a révélé le message. C'est pourquoi, même pour croire véritablement ce message et expérimenter Dieu, l'ange est obligé de venir vers toi. D'autres gens, c'est comme s'ils s'étonnaient. Nous sommes dans l'affaire du salut. Et qui sauve, c'est le Jéhovah lui-même. Qui appelle, c'est Jéhovah lui-même. Qui convainc, c'est Jéhovah lui-même. Jéhovah, en tant qu'ange, en tant que messager, qui frappe à la porte de nos pères, c'est Jéhovah lui-même. C'est pourquoi, si Jéhovah ne vient pas, tu seras membre d'église. Il faut que Jéhovah vienne. C'est pourquoi quand Jésus est apparu sur la terre, en regardant cet âge, il dit, nul ne peut venir si le Père ne l'appelle. Amen. Amen. Donc, qui nous a appelés? C'est Ngoïndaï. Jéhovah m'a appelé. Dans mes affaires, dans mes difficultés, je me tournerai vers celui qui m'a appelé. Son nom, c'est qui? Le Seigneur Jésus. Le puissant conquérant. Donc, quelles que soient les difficultés qui étaient aujourd'hui, va le dire à celui qui t'a appelé devant lui. Il n'y a rien de difficile. C'est comme ça que nous croyons. Si tu es dans les péchés, adresse-toi à celui qui a dit, le juste, cette fois, il tombera, mais je le relèverai. C'est pourquoi tu vas dire que nous ne redémerrons pas dans les péchés. Il y a une main visible qui me tiendra. C'est pourquoi pour les élus, réparer les péchés, ce n'est pas pénible. Pourquoi? quoi? Le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel, Jéhovah lui-même, quand il vient, il me convainc. Si tu as tout gâté, je ne peux plus tiquer. Là où les gens ont honte, moi j'irai pour dire mon frère, ce que je t'ai dit là, je t'ai menti. Et toi-même, tu commences à t'étonner de moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Jéhovah m'a tenu. Jéhovah Alinishika. C'est pourquoi dans Jérémie, il dit, tu m'as saisi, Ulinishika, tu m'as vaincu, et je me suis laissé être vaincu. Et je suis allé me repentir. Nous vivons les Écritures accomplies. Je me sens très bien. Les affaires de Dieu ne doivent pas être concernées. Ce ne sera plus des écritures, mais ce sera une vie. Le christianisme, c'est une vie vécue. Les écritures vécues. Amen. Amen. Elisha, tu dois aller. On a pas kwenda. Il est le serviteur fidèle. Et Jéhovah compte beaucoup sur lui. Comme Abraham comptait beaucoup sur lui. Il savait que cet homme, quand on lui confie la mission, ça ne rate pas. Maintenant, regardez Eliezer. Eliezer, un moment, Eliezer, c'est très compliqué. Aller chercher une femme dans un pays quelque part, et le jeune homme reste très loin. Comment ferais-je pour la convaincre? Ça, c'est de un. Comment saurais-je que la femme en question c'est celle-ci? Et pendant que Eliezer posait toutes ces questions, la réponse est descendue. L'ange qui a appelé Abraham est obligé dans cette affaire. Amen. Amen. Voyez-vous? Mambouye tout yote. Nos affaires, tous nos problèmes. Si balé touri toi na mungu. Nous qui avons été appelés par Dieu. Balé bari toi na mungu ve quoi pas? Si balé touri toi na mungu. Nous qui avons été appelés par Dieu. Mambouye tout. Nos difficultés. Mambouye tout. Nos maladies. Mambouye tout. Nos problèmes. Ouna na pasha kuya kuingiri amo. C'est lui qui doit venir entrer en scène. Niwamilele. Il n'y a que l'Éternel. Niwamilele. Il n'y a que l'Éternel. S'il était entré dans l'affaire d'Isaac, dans l'affaire des derniers temps, il doit aussi s'y engager. Ça pour nous. Maintenant, tu vois. Ce qui fait tous nos problèmes voilà, ne sont plus nos problèmes. C'est lui qui me touche a touché Jéhovah. Donc tous nos problèmes rencontreront Jéhovah. Et qu'est-ce que nous faisons? Tenez-vous tranquille. Qui combat? L'Éternel combattra pour vous. Avec ça, toutes vos difficultés là, merci Seigneur. Dans cette affaire, je pensais que c'était moi. La Bible dit dans Proverbes, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans cette affaire, c'est Jéhovah qui agit. Amen. C'est comme ça. Jovile. Frère, nous sommes dans l'affaire de Dieu. Ici, maintenant les jeux étaient au niveau. Si toi tu restais à un niveau, ici les élus comprennent que alors nous sommes dans les mains de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Eliezer s'engage. Observez. Avant que Eliezer ne parte, Eliezer a pas te quenda. On l'a chargé de beaucoup de biens avec des chameaux. Ils ont pris beaucoup de richesses. Quand le Saint-Esprit vient vers un homme ou une femme, frère, le Saint-Esprit amène toutes les bénédictions et d'emprises. C'est pourquoi il est très important de chercher le Saint-Esprit. Ephésiens 1, verset 3. Loué soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions en Christ. Maintenant en Christ, il faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Genèse 24. Suivez maintenant. Vous faites ça. Genèse 24, verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux. Parmi les chameaux de son Seigneur. Et il partit. Et ayant à sa disposition toutes les bénédictions rédemptrices. Toutes les bonnes choses destinées à qui? À l'épouse. Bibi Arusi. Amen. Amen. On continue. Tout le bien de son Seigneur. Jéhovah s'est vidé. Il a donné à Eliezer. Jéhovah a pris tout ce bien. Il donne au Saint-Esprit. Pour mes bien-aimés, pour mes enfants. La divinité, il faut bayouer. Ils doivent connaître cela. Comment se marier, il faut bayouer. Oui, comment briser le mariage, ils doivent comment savoir. Comment attendre Kumbingu, il faut bayouer. Au ciel, ils doivent savoir cela. Du salut, il faut bayouer. 70 semaines de Daniel, il faut bayouer. C'est pourquoi nous avons la révélation sur toutes choses. La lumière vers le soir, la lumière apparaîtra. Satan est mécontent. Mais il ne fera rien. Parce que nous sommes déjà devant Jéhovah. Il ne fera rien. La pluie peut tomber. Mais la vocation que nous avons dans nos cœurs ne change pas. Quel que soit l'état, nous tenons à Dieu. Quel que soit les faiblesses, nous tenons à Jéhovah. Pourquoi? Il a dit à Abraham, cacherai-je Abraham ce que je voudrais faire? Non. Pourquoi? Il sera une grande nation. Je vais tout lui dire ce que je vais faire. Je vais tout lui dire. C'est pourquoi, jusqu'à ce soir, il n'y a pas de confusion. Nous avons tout. Amen. Amen. Que le Seigneur, Buana, on nous entonne un cantique. Nous allons revenir, on verra. C'est chez Levons-nous tous.